Vous fermez les yeux à chaque chiffre impair et vous les ouvrez à chaque chiffre pair. À 1, vous fermez les yeux. À 2, vous les ouvrez. À 3, vous les fermez. À 4, vous les ouvrez, etc. 1. Vos paupières sont très chargées et très pesantes. Et 2. Et 3. À chaque chiffre que je dis, vos paupières sont maintenant 5 fois plus chargées et 5 fois plus lourdes à chaque chiffre. Et 4. Et 5. Vos paupières sont maintenant lourdes et massives et vous avez de plus en plus de mal à les ouvrir. Et 6. Et 7. À chaque chiffre que je dis, vos paupières sont maintenant 15 fois plus chargées et 15 fois plus lourdes à chaque nouveau chiffre. Et 8. Et 9. Vos paupières sont si lourdes maintenant que vous ne pouvez plus les retenir. Elles retombent à chaque fois et les yeux sont de plus en plus impossibles à ouvrir. Et 10. Et 11. Il vous est maintenant impossible d'ouvrir les yeux et vos paupières sont lourdes comme des énormes plaques de plomb. Impossible à bouger. Et 12. Et 13. Vos paupières ont maintenant un tel poids que vous ne cherchez plus à les ouvrir et vous ne voulez plus les ouvrir. Vous les gardez bien fermées et elles restent bien fermées. Et vous vous sentez merveilleusement bien et en toute sécurité. Et 14. Vos paupières ont maintenant un tel poids que vous ne cherchez plus à les ouvrir et vous ne voulez plus les ouvrir. Vous les gardez bien fermées et elles restent bien fermées. Et vous vous sentez merveilleusement bien et en toute sécurité. Et votre respiration est calme et régulière. Et plus cette respiration est calme et régulière, et plus vous entrez en vous profondément. Et votre visage se détend. Et plus ce visage se détend, et plus vous entrez en vous profondément. Et c'est un état bien particulier. Et vos pieds sont bien posés sur le canapé. Et plus ces pieds restent bien posés sur le canapé, et plus vous entrez en vous profondément. Et c'est un état bien particulier. Et vos mains sont bien posées sur les cuisses, sur le canapé. Et plus les mains restent bien posées sur le canapé, et plus vous entrez en vous profondément. Et c'est un état bien particulier. Et à la suite de ce que je vais vous dire maintenant, vous allez constater que beaucoup d'améliorations utiles se mettent en place maintenant dans votre façon d'étudier. Et vous allez aussi constater qu'à partir de maintenant, beaucoup d'améliorations utiles se mettent en place dans l'efficacité de votre aptitude à étudier. Et à partir de maintenant, à chaque fois que vous aurez quelque chose à étudier, vous allez trouver que vous êtes exactement de l'humeur qui convient pour étudier. Et vous aurez vraiment envie d'étudier. Et par conséquent, vous serez capable de vous plonger dans le travail avec bien plus d'énergie et avec bien plus d'enthousiasme que d'habitude. Et à partir de maintenant, vous allez être capable d'employer bien plus efficacement votre temps d'étude. Car à partir de maintenant, vous serez capable de vous concentrer bien plus facilement. Et à partir de maintenant, vous serez capable de vous souvenir avec beaucoup moins d'efforts de ce que vous aurez appris. À partir de maintenant, à chaque fois que vous terminerez une période d'étude, vous allez constater que vous éprouvez de très forts sentiments de fierté et de très forts sentiments de réussite et de très forts sentiments d'accomplissement. Parce que vous avez été capable de fonctionner avec tant d'efficacité et parce que vous avez été capable de fonctionner si bien. Et à partir de maintenant, tous ces sentiments très forts de fierté et tous ces sentiments très forts de réussite et tous ces sentiments très forts d'accomplissement vous récompenseront pour le temps que vous avez passé à étudier. Et vous en viendrez à attendre avec impatience vos moments d'étude. De la même manière qu'un sportif attend avec impatience une bonne séance d'entraînement. Et à partir de maintenant, étudier sera pour vous une source de profonde satisfaction personnelle. D'être capable de vous servir pleinement et si bien de vos capacités. Et vous allez être ravi et enchanté des résultats. Et je vais maintenant compter jusqu'à 3. Et vous ouvrirez les yeux et vous vous sentirez en pleine forme et merveilleusement bien. Et je compte maintenant. 1, 2, 3. Et ouvrez les yeux maintenant et regardez les objets qui vous entourent. La table, la chaise, la fenêtre, les rideaux. Vous pouvez aussi vous étirer. D'abord un bras, et puis l'autre. Et vous revenez ici et maintenant, en pleine forme, dans la pièce, avec moi, ici et maintenant. Et vous revenez ici et maintenant, en pleine forme, dans la pièce, avec moi. Et maintenant, vous vous sentez en pleine forme et merveilleusement bien.